بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الخامس، cinquième leçon. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طبعا اليوم درس جديد، الدرس الثاني، الدرس والدرس الثاني، deuxième leçon بعنوان لماذا نتعلم اللغة العربية. هنا في خطأ، كتب لماذا نتعلمه، الصحيح لماذا نتعلمه. لا pas de lieu de mettre une fatha ici. لا pas de سبب. لا pas de نص. فالآن سيكون حوار بين رجلين، أظن اسمهما عثمان وعبد العزيز، حول الدراسة في الكلية لتعلم اللغة العربية. Deux personnes qui vont discuter là maintenant. Il y en a un qui veut appeler au sens de la dunya et l'autre qui veut appeler à Oudin. Donc une sorte de monacache entre les deux. Mais un truc simple, en vrai, un truc simple. فالآن سنأخذ الكلمات الجديدة، vocabulaire nouveau. طيب. ثانوي، الثانوية، le lycée. C'est le lycée. Ben voilà, à chaque fois je t'accrabatte là-dedans. Je comprends tout souvent entre le lycée et le collège, mais eux ils disent que c'est après. Bien, après les petits d'Aïa. Attends. Dans le lexique, ils le disent bien, et comment c'est décrit, c'est le lycée. Ben, je vais le retrouver. Attends, il est où? ثانوي، إجيز الدراسة الثانوية مرحلة دراسة تبدأ بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة. الابتدائية سي كوا؟ سي بريمير. متوسطة سي كوا ابري؟ لو كوليج. لو فري كوليج سي كوا؟ لو ليسي. باسكو ميم لو دون لو تيكست يبارك ابري فالي على جامعة اونيفرسيتي. دونك لو ليسي سي معروف. سونتر لو كوليج اي اونيفرسيتي. لو ليسي لونتر لي دو. دونك جو بونس كو سي ليسي. À part s'ils font comme les Américains. Parce que les Américains, le lycée c'est le collège et le collège c'est le lycée. C'est pas comme en France. Donc ce qu'il n'y a pas, c'est le lycée. Wa salay wa silu. C'est poursuivre. Poursuivre une chose en fait. Marna istamarra. Continuer. Haddada yuhaddidu. C'est délimiter une chose ou restreindre une chose ou même décider. Kazarik. Dans le texte, il va apparaître, Inch'Allah. Ou le mazdar, c'est tahdid. تحديدا. قيام على بس قيام سي لو مصدر دو كوم يقوم كي يدير سو لوفي مي لا يبل دير قيام سي لو في دو سوكوبي دون شوز اوسي انا اقوم بذلك شو اوكوب دو سا اي بون اون ريسبونسابيلتي سا اباريت لو دون تيكست اوسي طيب. خرافات ça c'est des mythes, des histoires mensongères. خرافات ايوه خرافات c'est comme des mythes, des histoires mensongères en religion par exemple. Là. Bida, c'est le djem de Bida. Innovation. Maruf. Al-ta'amuk, C'est le fait de s'approfondir dans une chose. Approfondissement. Al-balagha, ça c'est une science dans la langue arabe. C'est l'éloquence, quelque sorte. Al-sarf, c'est aussi une science dans l'arabe. Ce qui touche à la transformation des mots, la composition des mots. Les gens l'ont restreint à la conjugaison, donc c'est plus large que ça. Il y a des mots, c'est pas la conjugaison, ça rentre dans le sarf. Donc c'est tout ce qui est lié à la composition du mot, le mot comment il se compose. Irtibat, c'est معna ta'alluq, lien s'accrocher. Aghlab, c'est le ism tafdil de gharib. Ça veut dire quoi gharib? Plus souvent, oui. Gharib, c'est souvent. Donc aghlab, ça va être plus souvent. Le plus souvent. Iblar, c'est le fait de transmettre. Mana tablir. Yani ballara et ablara, ça prend le même sens. C'est le fait de faire transmettre quelque chose. Asara, yu'asiru, c'est le fait de vivre à la même époque. Contemporain, quoi. Sadakul fulan, asara fulan, c'est-à-dire qu'il a vécu à la même époque que lui. C'est-à-dire, c'est les savants contemporains de notre époque également. Khayr, mana ahsanuna. Khayr, c'est mana meilleur, mais là, ça y est, c'est tofdil. À la base, c'est akhir. Et le hamzal est enlevé, tarfif. Hein. Comme char. Tu vois, char, ça peut dire méchant, ça peut dire aussi plus méchant. Pire. À la base, c'est achar. Et le hamzal est enlevé, tarfif. Li kafat l'istamel. Zatakun fulen, khayrun fulen, mana fulen ahsan min fulen. Ma sah, ça veut dire, yani, muhimma, ajila, haja, ma sah, c'est un besoin urgent, un besoin primordial. Itqan, c'est le mazar de atqan et qui veut dire être minutieux. J'ai appris le Coran par Salam de façon précise, minutieuse, c'est-à-dire je connais bien, je ne me trompe pas. Il est fait Khalil, c'est bien maîtrisé, tu vois, il connaît toutes les harakats, tous les mots, il est à l'aise, moutkin dans ce qu'il fait. Ou un quelqu'un qui fait un travail moutkin, il fait un travail, il le maîtrise bien. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc, c'est un travail propre. Tu vois. Tafakkaha, et tafakkahu, c'est apprendre la religion, la comprendre la religion. Ah, c'est pas être en accord. Là. Toi, tu comprends avec tafakkah, je crois. Ah, il tafakkah. Ouais. La tafakkah, Mousseline, c'est cool. Tafakkah tout fit din. J'ai fait en sorte d'apprendre la religion pour la comprendre. Ça veut dire du mot fiqh, qui veut dire compréhension. Fait. Quand on dit tafakkah fit din, là, c'est tu apprends la religion là pour la comprendre. Sharaka et sharikou, c'est participer, contribuer à une chose. Il participe avec lui dans cette chose. Il contribue. C'est pas un souci. Tu peux dire aussi, mais là dans le texte c'est plutôt je vais participer aussi avec toi à ça. Ou le mot shir qui vient de là. Le shin, le ra et le kef viennent de là. Associé. Muhawala, c'est une tentative. Un essai. Mais pas comme un essai par exemple de. D'une voiture ou d'un vêtement. Alors tu veux. Le verbe c'est hawala yuhawilu. Hawala yuhawilu, l'asdar muhawala. Mais là c'est pas essayer comme par exemple essayer une voiture. Tu veux pas dire par exemple hawaltu sayyara pour dire j'ai testé la voiture, non. Ça veut dire jarraba. Là c'est essayer une chose, c'est tenter de faire quelque chose. C'est uhawil na faire kaza si je vais tenter de faire ça, inshallah. Quand même attention. Al-ulum al-nazariya, c'est les sciences théoriques. Ou al-ulum al-amaliya, le contraire, c'est les sciences pratiques. Vous voyez ? Al-nazari, ça va être la théorie. Ou al-amali, c'est la pratique. Al-tarikh, dans la science, c'est l'histoire. La matière de l'histoire. Comme on faisait à l'école, il y avait histoire-géographie. Enfin, al-tarikh, à la base, ça veut dire une date. D'accord ? Ta'alir, c'est une date. Mais là, quand on dit dans les sciences, ta'alir, c'est l'historique, l'histoire. نعم. إحصائيون سي معنى متخصص سبيشاليست سبيشاليست في شوز. Donc j'ai dit Al-Ashia, je pense, j'ai pas trouvé, que c'est pour dire les, tout ce qui est radio, ce genre de choses, qui sont liées au rayon. Wallah alam. C'est un djem, Ashia, c'est un pluriel. Peut-être de Shua, qui veut dire rayon. Peut-être c'est la médecine technologique, peut-être tu vois, là, ce qui est lié aux radios, scanner, comment on appelle ça aussi? Quand tu rentres dans la bulle, là, ce machin là. C'est pas déjà ça? Un scanner aussi, non? Non? Un scanner? On dit par exemple que tu fais scanner le cerveau. Ça se dit ça, non? Je suis pas faux. Ouais. Quand ils analysent ton cerveau, par exemple, tu rentres dans une machine là, une espèce de tube avec un liquide, ouais. Ça s'appelle comment? C'est pas un scanner aussi? Ouais, en fait, tu m'as compris. Ouais. Ah, Michel, il y a un français là un peu. Et du mot j'ai oublié, tu vois. Ça, c'est pas des mots qu'on dit. Ah, à la base, c'est pas des mots que t'es fréquemment employé. Wafin, hein. C'est être fidèle. Suffisant. Ouais, je comprends, suffisant. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé suffisant. Non, je suis Kafin, je pense. Wafin, tu wafi bil ahd. Yufuna bil ahd, mathalan. Yufuna bil nazr. C'est, hein, comme dans le Coran. Ceux qui sentinent leur engagement lorsqu'ils s'engagent. Ça vient de là-haut. Vous voyez? Ça vient de Wafa. C'est-à-dire? S'engager. S'engager. Il y a eu Walina Amanu, Oufou Bil Oukoud. Tenez aux engagements. Sur le Maïda. Ta Wafin, c'est l'Isme Fa'il. Sayyadila, c'est les pharmaciens. Pharmacien? À la base, pharmacien, c'est Sayyid Aliya. Ouais, ça y est, dis là, c'est les pharmaciens. Moi, je crois que de demain, on va retourner en haut, en fait. Demain, on va retourner là-haut, Inch'Allah, pour qu'il y ait moins de bruit. Bismillah. Elle, ça n'a qu'à l'heure, elle n'offre, Inch'Allah. Et bien, tu es Othman. Avec moi, Abdelaziz. Vas-y. Tu veux faire la narration? Moi, j'ai pas. Ikra, Bidaya. Kan Othman ou Yarifu, en Abdelaziz, en ha dirasat tanawiya. Wa huwa talibun mujtahidun, fa bada'a Othman yas'alu Abdelaziz. Donc, Othman savait qu'Abdelaziz avait fini. En ha, c'est fini là. Anaha Yanhi, c'est fini. Son étude au lycée. Son cursus l'année au lycée, lycéen. Et qu'il est un étudiant studieux, Mujtahidun. Alors Othman s'est mis à interroger Abdelaziz. Yakul Othman. Aïwa. Hel, c'est à Wasilu Diras. Satouasilu. Hel, Satouasilu Diras Attak El Jamiata. El Jamiaïa. C'est-à-dire, est-ce que tu vas poursuivre tes études ou ton étude universitaire? Vous voyez, ton étude universitaire. Jamiria, ça vient de Jamia. Fayakoul Abdelaziz, Naam, Fakot Korortu, Enwa Sila Dira Satif il Jamia. J'ai décidé de poursuivre mon étude dans l'université. Hel. حددت هل حددت كلية التي تود للالتحاق نعم الالتحاق بها دي هاسك tu as déjà déterminé enfin choisi là on a choisi mais حددت c'est terminé une chose la faculté كلية c'est ta faculté que tu aimerais ودا يودو tu as déjà aimé comme que les kuffars aimeraient vous voir, voyez, mécroire par jalousie, ainsi de suite. Wadda ya wuddu, ça veut dire aimer quelque chose. Il est le haq biha. La rejoindre en fait. Il t'a c'est rejoindre quelqu'un. Aussi pouvoir le sens de s'inscrire aussi. Et, attachement. Voilà. C'est ça en fait, c'est rejoindre, s'attacher, s'inscrire. Naam. يقول عبد العزيز نعم إنني أحاول الالتحاق بكلية اللغة العربية. طيب يدي oui. Je tente, d'accord, je tente de m'inscrire dans la faculté de langue arabe. Donc on a dit حاول يحاول, c'est tenter quelque chose. Osman. لقد حسبتك ستدرس بكليتين عمليتين. Dès que je pensais, la code حسبتم, حسب يحسبوا, c'est penser comme ظننا. أتحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Pensez-vous que vous allez entrer au paradis? Hein? حسب, c'est penser, imaginer quelque chose. مانا ظننا, يظننا. Je pensais que tu allais faire dans une faculté, on va dire, quand il dit là il veut dire aussi ou pratique ou professionnel. Un truc qui amène à un travail. Il va expliquer après ce qu'il voulait lui dire par là. Abdelaziz. Ah non, Abdelaziz. إن المجال مفتوح أمامي للدراسة في الكليات العملية والنظرية ولكني أفضل الدراسة في كلية اللغة العربية. Donc il dit certes, quand il dit le majal, majal là-bas c'est les domaines. Mais il veut dire qu'en fait les portes me sont ouvertes. Les opportunités me sont ouvertes. C'est ce qu'il veut dire par là. Mais là-bas, le majal, c'est un lieu, c'est un domaine. Pour dire qu'en fait c'est ouvert devant moi. Donc les portes me sont ouvertes devant moi pour étudier dans les facultés pro, professionnelles, d'accord, professionnelles, ou pratiques. Cependant, je préfère les études dans la faculté de langue arabe. Osman. Anasita. Pas Anasita. أنسيت. تريد نسيا. الفتحة انكسرة سلسين. أيوة. أنسيت أننا نحتاج إلى أطباء مهندس ومهندسين وسيادلة. وسيادلة. نعم. وإحصائيين. وسيادلة. سيادلة صح؟ سيادلة. وإحصائيين في تحاليل والطبية والتحاليل الطبية. التحاليل الطبية والإشعة والأشعة. أشعة. نعم. أشعة. Donc il dit, as-tu oublié que nous avons besoin de médecins et d'ingénieurs et des pharmaciens et des spécialistes dans les analyses. تحاليل, c'est le terme de تحليل, qui veut dire, qui veut dire analyse. Vous voyez, analyse médicinale. Ou Ashi'a, comme on a dit, ouais, mais j'ai pas vraiment trouvé, tu vois, tout ce qui est rapport à. En tout cas, c'est un lien avec le. Ouais, non. La. Ah non, ça va. La. ولكننا نحتاج إلى من يقوم بتعليمنا أمور ديننا تعليما صحيحا. Je dis non, dans ce sens j'ai pas oublié. Cependant, nous avons besoin de personnes qui s'occupent. Là, Yaqub, s'occuper d'eux. C'est pas se lever. Le mot qiyam là du lexique, c'est là qu'on a pris. Comme on a dit, ça kumbi zalik, ça kumbi avec la harfujalbi, c'est-à-dire je vais faire quelque chose, je vais m'en occuper. Les gens qui s'occupent de notre enseignement. Des affaires touchant notre religion de façon authentique. Ta'liman sahihan, c'est-à-dire un vrai enseignement. Non. Inna aghlab al-ulama yaqumun bidhalik khayr al-qiyam. Donc il dit certes, la plupart, là c'est la plupart, les savants s'occupent de cela de la meilleure des façons. Khayr al-qiyam, c'est la meilleure, et qiyam, c'est, là on traduirait comme ça, la meilleure des façons. Dit na'am, ولكن كما ترى فقد انتشرت الخرافات والبدع بين المسلمين وأخذ الناس يبتعدون عن الاعتقاد الصحيح. Donc il dit oui, c'est-à-dire il sait que les savants s'occupent de ça. Cependant, comme tu vois, les mythes et les innovations entre les musulmans se sont propagées. Une tâche à c'est se propager. Et que les gens, ou Aravan Nas, là ça ne veut pas dire prendre. C'est commencer à faire quelque chose. Akhava, là dans cette phrase-là, Akhava, c'est comme s'il avait dit Ja'ala ou Shara'a. C'est des verbes, tu vas les voir dans le Mutamima, c'est des verbes qui sont là pour inclure un sens de commencement dans une chose. Je te dis, Akhava al-Walad Yabki, c'est l'enfant s'est mis à pleurer. Masalan, ça va venir, Inch'Allah. Donc là, il veut dire ça. Les gens se sont mis, vous voyez, à s'éloigner de la vraie croyance. Et Atikad, Mana Akida. La vraie croyance. وفعلاً صدق. طيب عثمان ولكن ما علاقة ما علاقة ما علاقة ما تقول بكلية العلة العربية. Donc il dit cependant quel est le lien, le rapport entre ce que tu dis et la faculté des langues arabes. Il ne voit pas le rapport. يقول إنها الكلية التي تعلم اللغة العربية فيقف الدارس فيها على علوم العربي اللغة العربية بلاغتها ونحوها وصرفها وأدابها وتاريخها. Donc il dit c'est une faculté qui enseigne la langue arabe. Hein? Et celui qui s'y engage, l'étudiant, Adaris ma talib. Vous voyez, Adaris c'est talib, celui qui étudie. Et celui qui la rejoint, c'est-à-dire sa faculté, apprend les sciences de la langue arabe. Parce que la langue arabe a plusieurs sciences. Comme son balara, son éloquence, son nahu, sa grammaire, son sorf. On a dit le sorf, c'est la composition des mots. Adabiha, la littérature. Adab, c'est la littérature. Watalikhira, son histoire. Watalikhira, son histoire. C'est quoi Fayakifu? Fayakifu, c'est. En fait, ça veut dire que Fayakifu, c'est s'arrêter. Et pareil. Voir qu'en fait c'est comme Akhava avant. Il se met à apprendre. Ou plutôt, il y prendrait des sciences. Dans ce cas-là, non. Pour que ce soit le sens que je dis, il faut qu'il y ait un deuxième verbe. Il y en a un seul. Yaqif ou fiha ala. Quand on dit s'arrête ala, c'est-à-dire en fait, il va prendre telle ou telle chose. Ala marna jumla. أرجوك أن توضح أن توضح لي. نعم. Donc أرجو ça vient de رجاء أرجو qui veut dire espérer. أرجوك j'espère de toi que tu vas me clarifier, m'éclaircir. وضح يوضح ça veut dire éclaircir. لي pour moi tu m'éclaircir à moi. De l'Aziz يقول أنت تعلم ارتباط اللغة العربية بدين الإسلامي. فالقرآن الكريم قد نزل باللغة العربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بها وجاءت الأحاديث الشريفة كلها باللغة العربية والصحابة الذين عاصروا وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا معه الغزوات كانت لغتهم العربية. Donc il dit toi tu sais le lien, irtibat c'est le lien qu'il y a entre la langue arabe et la religion islamique. Tamam. Et le Coran, le noble Coran, est descendu en langue arabe. Donc il disait quoi? Donc le Coran est descendu en langue arabe. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec cette langue-là. Et des hadiths nobles sont venus, tous les hadiths sont venus en quelle langue? En langue arabe. Et que les sahaba, ceux qui ont, regarde, Asaru, qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui, et qui était présent avec lui, Hadaru Ma'ou, c'est-à-dire qui était présent avec lui, Hadaru Maru al-Ghazawat, qui ont participé avec lui en fait, qui étaient présents avec lui dans les conquêtes, dans les guerres, ce qui veut dire. Leur langue était la langue arabe. Et des hadiths d'Aïfa sont venus également, là on rajoute au texte, que la langue du Jannah, c'est la langue, c'est la langue arabe. Et il y a un dalil peut-être qui peut être pris par ça. Est-ce que tu connais ? Il y a un hadith d'Aïfa, il y a un verset. Laisse mon affaire, la rouane, il laisse salam. Ils n'ont pas de paroles futiles, à part salam. Et salam, c'est en arabe. Et les malakas disent quoi ? Salam alaikum. Salam alaikum, leur disaient les malakas. Salam alaikum, c'est de l'arabe. Là, c'est le truc qui amène là, tu vois ce que je veux dire ? Non. لقد قرأت بعض ما تقول في الكتب. Donc il dit, j'ai déjà certes lu ce que tu as dit, un peu de ce que tu as dit dans les livres. Couleur de l'Aziz. لهذا فإن بحاجة إلى التعمق في العلوم الدين الإسلامي كي أقوم بإبلاغ. Attends. Ah, faut. C'est pas. Attends, je répète. لهذا فأنا. Il dit أنا. بحاجة إلى التعمق في العلوم الدين الإسلامي. كي أقوم بإبلاغ رسالتي ونشرها بين مسلمي البلاد وكي أشرحها لهم شرحا وافيا وبحاجة ماسة لتعلم اللغة العربية وإتقانها ليكون ذلك سبيلا إلى التفقه في الدين. Donc il dit, c'est pour cela que moi je suis en besoin de m'approfondir, de ta'amour, c'est s'approfondir dans les sciences de la religion islamique. Pour que je puisse, c'est pour que je puisse en fait m'occuper de transmettre, me charger de transmettre le message. Et pour le propager au sein des musulmans de mon pays. Là, pourquoi il n'y a pas de muslimi baladi? Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est quoi ce qu'il y a là? Muslimi baladi. Pourquoi, c'est quoi ce yala? C'est Yamutakalim? Baladi, ouais, je sais, mais musulmi. Moi, j'ai muslimi, moi. Je sais que tu sais baladi. Moi, j'ai muslimi. Et le yala, c'est quoi ce yala? Ce yala, ah ouais, c'est le yala des muslimines. On enlève le nun. Pour les dafa. Et le mudaf ilayhi, c'est baladi. Le Moussanna et le Djamou Zakar Salim, lorsqu'ils sont Moudaf Ilay, on enlève le Noun. Tu dis, Maslan, Haoula, Muslimou Yémen. Mais c'est un waouh, c'est pas une Dhamma. Et tu dis, Ra'aytu Muslimi Yémen. J'ai vu les Muslimis du Yémen, en fait. Là, c'est le Noun qui a été enlevé, parce que c'est un Moudaf. Vraiment? Ça y est. Donc il dit, et je suis en grand besoin, besoin urgent, d'apprendre la langue arabe de façon minutieuse, bitkaniha, de façon minutieuse, avec précision, afin que cela soit un moyen, quand il dit sabilan, c'est un sentier, sabil, mais là ça veut dire un moyen, pour comprendre la religion, pour apprendre et comprendre la religion. En sadak, la langue arabe c'est miftah jamil jamil al-ulum, comme on connaît. Celui qui ne parle pas la langue arabe, il ne sera jamais un, tu vois, un fakir fi din, abadan. Tu es obligé de tout apprendre la langue arabe. Le din, il est en arabe. Il n'est pas en anglais, pas en français, pas en espagnol, pas en latin, il est en arabe. Donc celui qui ne parle pas la langue arabe, il va connaître quelques masaïl vite fait, comme ça, dans ta gauche, c'est possible. Mais sinon, il va parler vraiment, vraiment, vraiment pas long. Il ne va pas comprendre grand-chose. Même le Coran, il ne va pas le comprendre. Parce qu'il y a des masaïl qui reviennent à la langue arabe. Toi, il ne va pas comprendre. La tarjama des ma'ani, dans le mashaf, là, qu'il y a, ne suffit pas. C'est une indication à tête à comprendre des choses. Mais sinon, tu vas pas sortir des règles d'Arkham avec ça. Par exemple, je me rappelle un exemple qui est souvent dans la tête des gens qui lisent le Coran en français. Par exemple, quand Allah, des fois, il dit une chose, dans le sens de l'ordre, il dit Zalika khayrun lakum la'alakum tattakun. C'est le meilleur pour vous. À quoi que vous craignez. Et bien en français, quand on dit c'est le meilleur, c'est-à-dire que c'est meilleur, c'est-à-dire que je peux pas le faire. Il voit pas que c'est wajib en fait. Il dit ouais, c'est juste meilleur. Mais si je fais pas, c'est pas grave. Non, des fois, c'est, ça vient d'aller comprendre la coum, la coum, tata coum. Tu vois, c'est-à-dire que c'est obligatoire pour toi de le faire. Et ça, tu apprends la langue arabe, et après d'apprendre le tafsir, que veut dire le verset. Mais des fois en français, tu te fais avoir. Tu dis, c'est meilleur juste, c'est-à-dire, je peux pas le faire. Il y a plein de trucs comme ça en français. Des trucs que tu crois que tu as compris, en fait, tu n'as pas compris. L'autre, tu fais une fatwa bâtie sur un verset dans le sens traduit en français. On dit non, c'est pas comme ça. La langue arabe, tu l'as pas. Il y avait même Athar qui a rapporté l'imam Malik. Je me rappelle, il y a longtemps que je l'entendais. Je ne sais pas s'il est vrai, mais bon. J'ai pas entendu qu'il était blâmé ou quoi. Il disait que celui qui part dans la religion et qui parle de langue arabe, il faut frapper. Ou sur le Coran, je crois. Celui qui polémique sur le Coran et qui parle pas la langue arabe, il faut le taper sur. Il y avait Athar comme ça. Et je me rappelle de lui, il y a longtemps, j'étais en France. Et quelque part, ouais, celui qui vient, il jadette sur le Coran, il parle pas la langue arabe. Le malade est vrai, il dit, qu'est-ce que tu parles? Tu parles la langue arabe? Il dit, non. Qu'est-ce que tu parles sur le Coran alors? Parce que tu vois, il y a des énormités. Tu vois? Voilà, t'as fou, mais c'est la ne recherche pas, sinon tu n'as pas de science. Donc, tu ne voulais pas le Coran? Vous ne voulez pas sur le Coran si tu n'as pas la langue arabe. Arsène Nak. Voyez, Rassil? L'accord Asad Tani. بحديثك أسعدتني نعم بحديثك هذا وأرجو أن أشاركك في أداء هذه الرسالة نعم أحاول وسأحاول الالتحاق بهذه الكلية في العلم القادم لا. في العام القادم إن شاء الله. كدي تما سيرت رجوي أسعدة سلام دي سعادة. سعادة سيت كونتون أسعدة سيتا ما رند تما رندي هيرو. ما أسعد تاني تما رندي هيرو تما رجوي. بحديثك هذا par ta parole. Ce qu'il vient de dire à l'instant. Et j'espère pouvoir participer au Shahri Kaka, participer avec toi, collaborer avec toi. D'accord. Dans l'accomplissement de ce message. Et je vais également, enfin je vais essayer aussi de rejoindre cette faculté de langue arabe. C'est « Hawil al-iltihaq bi-yadi al-kulliya » Fi l'am al-qadim, l'année prochaine. « Am » ça veut dire « sana ». Mais le « qadim » c'est prochain, qui arrive. « Incha'Allah ». Et là, qui c'est qui a raison entre Abdelaziz et Othman? Qu'est-ce qui a raison? Par rapport à... Le Hoffman, à la base... Ouais, c'est Abdelaziz qui a raison. Eh ouais. Mais que Hoffman, à la fin, il a compris, tu vois. Mais Hoffman, ce qu'il dit, c'est pas faux, totalement, tu vois. Il y a du vrai, il y a besoin d'Atibet, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Mais là, Oumma, elle a plus besoin de qui? De ulama ou de médecins? Eh ouais, et les ulama, ils sont combien, mon frère? Les médecins, ils sont, tu les comptes même plus. Et les ulama, il y en a combien? Ah ouais. Et des belettes, il n'y a même pas un alim. Il n'y a même pas un alim. C'est la catastrophe. Quand les gens ont besoin dans la religion de revenir vers din, vers qui ils reviennent? Ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Voilà, tu mettrais ne serait-ce que deux savants dans chaque pays d'islam. C'est un khil kafir. Ne serait-ce que deux savants. Une arbanine, tu vois, des vrais savants, pas des vrais savants. Salafi, c'est la sunnah. Thabitun, tu vois. Akouya. Yakoumoun bilda'wa. Plus deux dans un pays, franchement c'est niamaï. Et aujourd'hui, des puits, t'en as plusieurs, et des puits, t'en as même pas. Ça va la fille. Voyez. Il n'y a pas de questions, mon tarak, comme il dit. Non. Je crois que le meilleur c'est. Attends, il y a combien de marionnettes? Voyez, on va faire quoi? On va s'arrêter là et faire l'exercice demain. En fait, j'aimerais qu'on fasse ça chaque jour. Un jour, la lecture du Ders, du Nos, et le lendemain, la marinade. Et tu l'as déjà fait, toi? Ouais, pas tout, parce qu'il y avait des trucs, j'avais pas. Les mots de vocabulaire, il y avait du mal. J'ai avancé un peu. Oui, ben là, l'acte fibia hala, et raden, la chose de marinade. Et j'aimerais qu'on fasse comme ça chaque fois. Un jour, le texte, le lendemain, exercice. Un jour, texte, le lendemain, exercice, si Allah nous facilite. مع تحية دمام.